écoutez Sous Pression, 60 minutes de punk, ska et hardcore francophone, diffusant à partir du CHUO à Ottawa, le CIVR à Yellowknife, le CFRT à Iqaluit et partout dans le monde à partir du sous-pression-punk.com. Restez à l'écoute. Salut, vous êtes à l'écoute de Sous Pression, une émission de punk, ska et hardcore francophone qui diffuse à chaque semaine à partir du souspressionpunk.com, aussi à la radio à partir du CHU 89.1 FM à Ottawa, le CIVR 103.5 FM à Yellowknife, le 107.3 CFRT à Iqaluit. Je m'appelle Mathieu, je fais jouer du punk, du ska et du hardcore tout en français pendant les prochaines 60 minutes. J'ai commencé avec quelque chose d'un peu plus lourd et agressif. C'était du Serpette de l'album ou leur EP projet Anain. Le morceau Djihad Animal, une excellente découverte cette année. Un groupe que je ne connaissais pas jusqu'à récemment, mais que j'aime bien. Et j'en ferai jouer dans les semaines, les mois, les années à venir même. Alors c'est ça, je me continue en musique avec du Diktat, un autre groupe que j'ai découvert cette année, un peu de cross-hardcore. Ils ont sorti un démo cette année, je vais faire jouer le deuxième morceau du démo, le morceau s'appelle Flamme, voici du Diktat à Sous Pression. Fire! Bon, alors salut, on vient d'écouter du Asile de leur album Kitschissippi Toxic. C'était le morceau Kitschissippi Toxic. Un petit histoire sur la chanson et l'album. Kitschissippi, c'est le mot algonquin pour la rivière des Outaouais, ou comme on l'appelle en anglais, the Ottawa River. Alors, la rivière des Outaouais dans le territoire traditionnel du peuple algonquin. Et Asile ont décidé de rendre hommage un peu à l'histoire de la rivière et aux luttes anticoloniales en ce moment qui continuent au Canada en appelant leur album Kitschissippi Toxic. Avant ça, du pervers et truand avec leur morceau Sophie à l'emballage, les Guenées de leur album Zéro pied une barre avec le morceau Trou de cul, du Brume Rétina avançant avec DJ Mucho, Daymare avec La douceur de vivre et on a commencé le dernier bloc avec du... Dictate de leur démo qui est sorti plus tôt cette année, c'était le morceau Flamme. Alors, on a commencé l'émission, premier quart de l'émission, un peu lourd. Je vais continuer toujours avec la bonne musique, peut-être un peu moins lourde. Je continue avec du Impact, un groupe de Oi du Québec qui ont sorti. Je vais faire un morceau de l'album Légende Urbaine, je crois qu'il est sorti peut-être en 2000, je me trompe pas. Enfin, jouer le morceau Skins and Punks, alors voici du Impact à sous pression. Notre jeunesse, c'était notre jeunesse. Oh ouais, notre jeunesse. restons ensemble, même si parfois la flamme tremble. N'oublions pas ce qui nous rassemble, cette liberté qu'on veut garder, les amitiés qu'on a forgées. On veut juste vivre sans rien regretter. Ils sont toujours les derniers. Salut, vous êtes toujours à l'écoute de Sous Pression. On vient d'écouter du Rix, de la hippie couille blessure. C'était le morceau Infatigable, du Flocon Givré avant ça, de l'album Vegis, Vegis et Revegis. Barré des Fouf, bien sûr, leur version de reprise, disons, version montréalaise de Band from the Pubs, de Peter and the Test Tube Babies. Et Fouf, pour ceux et celles qui ne savent pas, fait référence à un bar assez bien connu à Montréal, les Foufons électriques. Alors, c'est ça. Marabout s'avança avec Plus Rien du Stalingrad de leur album Vivre-tu, c'était le morceau Notre Jeunesse, et on a commencé le dernier bloc avec du Impact de leur album Légende Urbaine, c'était le morceau Skins and Punks. Et c'est ça, c'est le temps, je vous rappelle que Sous Pression, pour ça, ceux et celles qui écoutent à la radio bien sûr, ceux et celles qui écoutent déjà en ligne, vous le savez que Sous Pression a un site web, souspressionpunk.com. Allez checker ça si vous l'avez pas encore checké, et si vous l'avez checké, n'oubliez pas de rechecker à chaque semaine. Vous pouvez écouter et réécouter l'émission à chaque semaine, voir la liste des chansons qu'on fait jouer, etc., etc. On a aussi une présence sur Facebook, facebook.com/sous-pression. Alors si vous êtes sur Facebook, vous pouvez aussi faire une recherche pour Sous Pression, vous allez sûrement trouver ça. Sinon, c'est facebook.com/sous-pression. Vous pouvez aimer l'émission. Et bien sûr, si vous voulez nous envoyer, m'envoyer un message, des commentaires, demandes spéciales, plaintes, partager de la musique, c'est info@commercialsouspressionpunk.com, info@commercialsouspressionpunk.com. C'est ça. Je continue en musique, le moment du bloc sono mondial où je fais jouer deux chansons par des groupes qui chantent ni en anglais ni en français. Je vais faire jouer cette fois-ci, cette semaine, un groupe suédois. C'est un camarade, bien sûr, de la Suède qui m'a fait connaître ça, mon camarade Ricard. Je vais faire jouer deux morceaux par le groupe Psykbryt. Vous allez pardonner, bien sûr, ma prononciation. Psykbryt. Je vais faire jouer un morceau de l'album Urshakeda Ruran Vireveralt. Le morceau Mass Psychos. Et le morceau par le groupe de leur album Och Ingen Breda Siget Yuta. Le morceau Och Hem Till Tabi. En tout cas, j'ai massacrer la prononciation, je m'excuse, mais je me ferme la gueule, je commence avec continuer avec la musique, voici du Psykbryt à Sous Pression. Jag kan se flera spår. Det är bullen, jag har nämnt och funnits av mig. allt åkt tillbaks. Ja, du får aldrig mer av sitt jävla oss. Jag röstar hellre på Salén än på dig, jävla svin. Jag såg fram Fredrik Rappelt åkt tillbaks. Åh, vad roligt och som du är för jävla skön. När du blev tagit till del av ungmans dön. Ja, det hjälper vårt det så länge man är fel. Och inte står upp för sin rätt. Men du behöver nog ett tåg när du ska prata med Magnetus folk. Ja visst är det lite fräst när det är svårt för den vet. Ska göra sig talet svamp för våra folk. Våra behöver bara ha det ut i ses. Han sätter käcke i varje res. Ja man ordet för mig långt och då kommer den här sång. Vi stöcelerar om han sen delar polis. Ja vi älskar våra borgar allians. Vad skulle vi göra om inte alliansen fanns? Då skulle du ta det bra som var inte var. Vi hade tur i av och borgar allians. Då skulle folket ta det bra som var inte var. Vi hade tur i av och borgar allians. Hur fan vad jag hatar din bas. On vient d'écouter du Psykbryt, un groupe de punk rock suédois. Et je continue maintenant en musique avec un groupe de punk rock québécois, Connies. Leur morceau « Je ne veux pas arrêter je veux pas arrêter de rêver » par les Connies. Yeah. tromper, contrôler par les clichés. Ils aiment pas mon tout mal et gaine, au bon nom de ma camionnette. C'est de chez Game de France, on va les assumer. Les concessions, la passe. Come on. Salut, vous êtes toujours à l'écoute de Sous Pression. On vient d'écouter La Gâchette de leur album Ne renoncera pas. C'était le morceau Vivre ou crever. Et avant ça, on écoutait du Brigitte Bop de leur album My Way to Punk, c'était Willkommen. Du Scrap avant ça avec Robert de leur EP ou de leur album plutôt Grand Talent pas d'adon pas en tout. C'était le morceau Robert. Bien sûr que un morceau que j'ai juste réalisé. Je pense une couple de mois que c'était une reprise d'une chanson de NoFX. The Butters avant ça avec La Poisse, du Opération Dynamo avec La Course, Nick à Feu avec Malarctic de leur album Lendemain de veille pour les pas fiables, et on a commencé le bloc avec The Connies, le morceau je veux pas arrêter de rêver de leur EP éponyme sorti peut-être comme 2012 ou quelque chose de même. Alors c'est ça, je vais vous laisser avec un dernier morceau, je vais vous laisser avec la chanson L'Espoir de J'aurais voulu de l'album Le Feu Sacré. Restez à l'écoute, continuez à écouter l'émission, visitez le site web Soupression Punk la semaine prochaine, tous les lundis, nouvelle émission en ligne. Sinon, si vous écoutez à la radio, on se revoit la semaine prochaine, même heure, station de radio, CHU Ottawa, CFRT à IKL8 et CIVR à Yellowknife. Alors, je vous laisse avec J'aurais voulu l'espoir de leur album Le Feu Sacré. Passez une excellente semaine. De prix.